Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 69. De l'œuvre du troisième jour. Rassemblement des eaux, production des plantes. 1. Au troisième jour se fit le rassemblement des eaux, et la terre parut. On ne conçoit rien de plus naturel, ni de mieux fondé en raison, que l'ordre qui a été suivi jusqu'ici dans la création du monde. Le ciel, l'eau et la terre existaient d'abord, mais avec trois privations de forme. Au ciel revenait la privation appelée ténèbres, à l'eau, la privation appelée abîme, à la terre, la privation appelée nudité. Le premier jour, par la production de la lumière, la forme fut donnée au corps le plus élevé, qui est le ciel, le second, elle fut donnée au corps intermédiaire, à l'eau, et le firmament parut au milieu des eaux. Au troisième, la terre reçut la sienne, lorsque l'eau cessa de la couvrir, l'aride, dit l'Écriture, apparut. Note. Pour saint Augustin, qui n'admet ni temps ni durée dans la création, et qui n'y voit qu'un ordre de perfection, les anges furent créés le premier jour sous le nom de lumière, les corps supérieurs, le second, sous le nom de firmament, et, au troisième, les corps inférieurs furent tirés de leur informité. Fin de la note. 2. La production des plantes est-elle avec raison rapportée au troisième jour? La Genèse, après avoir dit « la terre produisit une herbe verdoyante », etc., ajoute « et du soir au matin fut fait le troisième jour », Genèse 1, 11 à 13. C'est donc avec fondement que la production des plantes est rapportée au troisième jour. Alors la double informité de la terre fut détruite, la première, lorsque les eaux se rassemblèrent et que la terre elle-même se montra, la seconde, quand l'herbe verdoyante et les végétaux la couvrirent. Note. Les plantes furent-elles produites avec toutes leurs espèces au troisième jour, ainsi que le veut la généralité des commentateurs, ou bien, la terre reçut-elle seulement la vertu de les produire, comme le pense saint Augustin? On peut soutenir l'un et l'autre sentiment. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.